Lecture d'enfance. Toute cette semaine, Lecture d'enfance vous emmène dans le monde d'Oscar Wilde. Et pour ouvrir sa lecture, voici dans la collection Contes et rencontres, imaginée par Alain Truta, une traduction libre et improvisée par Jane Birkin d'un conte d'Oscar Wilde pour la jeunesse, L'ami dévoué. Le Passe-Oreille vous propose Contes et rencontres. Aujourd'hui, Jane Birkin dit, dans une traduction libre et spontanée, un conte d'Oscar Wilde, L'ami dévoué. Laissez-moi vous raconter une histoire, Dédé Lénaud. Est-ce que c'est une histoire à mon sujet, demanda Radlot. Si, oui. Je vais l'écouter car j'aime beaucoup la fiction. Elle vous est applicable, répondit Lénaud. Et, descendant se poser sur le bord de l'étang, il raconta l'histoire de l'ami dévoué. Once upon a time, said the linnet, there was an honest little fellow named Hans. Was he very distinguished? Asked the water rat. No, answered linnet. I don't think he was distinguished at all, except for his kind heart. Il était une fois, dit le linnet, un honnête petit gars qui s'appelait Hans. Il était très distingué, demandait le radeau. Non, dit le linot, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il était distingué, du tout d'ailleurs. Sauf pour son bon cœur et son drôle de petit visage rond. Il vivait dans un tout petit cottage, tout seul, et chaque jour il travaillait dans son jardin. Dans toute la campagne environnante, il n'avait pas de jardin aussi ravissant que le sien. Les œillets de poète et les giroflées et les bourses du Capucin et des belles dames de France. Il poussait. Il y avait des roses incarnates et des roses jaunes, et des crocus lilas et d'or, et des violettes mauves et blanches, l'ancolie et les cardamines, la marjolaine et le basilic sauvage, le coucou et la fleur de lys, la narcisse et l'oeillet giroflé. Ils fleurissaient dans l'ordre pendant que s'écouillaient les mois. Une fleur prenait la place de l'autre, de sorte qu'il y avait toujours des belles choses à regarder et des délicieuses odeurs. Little Hans, petit Hans, avait beaucoup, beaucoup d'amis, mais le plus dévoué de tous était Hugues, le meunier. Il était d'ailleurs tellement dévoué à petit Hans qu'il ne dépassait jamais son jardin sans lui dire bonjour, mais surtout sans lui demander de lui donner, ou d'ailleurs de le piquer, un énorme poignet de jolies fleurs sur son chemin, ou alors remplir ses poches avec des pruneaux et des cerises, si c'était la bonne saison. « Des vrais amis devraient avoir tout en commun, » disait le meunier. Et little Hans secouait sa tête et il souriait et il approuvait à tout. Il était très très fier d'avoir un ami avec des idées si nobles. Parfois même, les voisins pensaient que c'était étrange que le riche meunier ne donnait jamais rien à petit Hans en retour. Il avait des sacs de farine pleins dans son moulin, 6 vaches, énormément de moutons laineux, mais Hans ne troublait jamais sa tête sur ces choses-là, jamais, jamais. Il pensait que rien lui donnait plus de plaisir que d'écouter toutes ces merveilleuses choses que le meunier lui racontait, toutes les choses de le désintéressement d'une véritable amitié. Alors petit Hans travaillait dans son jardin durant le printemps, l'été, l'automne. Il était très heureux. Mais quand l'hiver est venu, il n'avait plus de fruits ni de fleurs pour emmener au marché, et il a souffert beaucoup, beaucoup, du froid et même du faim. Et souvent, il est allé au lit sans souper, où il mangeait à peine quelques poires desséchées ou quelques noix. Dans l'hiver aussi, il était extrêmement seul, et le meunier ne venait jamais le voir. Non, c'est pas la peine que j'y vais voir mon petit Hans pendant que la neige durera, le meunier disait à sa famille et sa femme. Parce que quand les gens ont vraiment des problèmes, des ennuis, ils devraient être laissés seuls et ne devraient pas avoir des gens qui les rendent visite, car ça les ennuierait, serait même peut-être un peu gênés si ça se trouve. Enfin, c'est mon idée à propos de l'amitié, je suis sûre que j'ai raison. Alors je vais attendre jusqu'au printemps, et à ce moment-là, je lui donnerai une petite visite, et il pourrait me donner un grand panier de primrose, et ça lui rendrait très très heureux, très heureux. Oh, la vache, qu'est-ce que tu es généreux envers les autres, disait sa femme, pendant qu'elle s'était assise confortablement dans son grande chaise à côté du feu, en réchauffant ses grosses doigts. Ah, mais dis donc, qu'est-ce que tu penses? Ça me dépasse d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est merveilleux de t'entendre parler de l'amitié et le désintéressement de l'amitié. Je suis sûre que le pasteur lui-même ne pourrait pas dire des choses aussi belles que toi. Malgré le fait qu'il vit dans une grande maison à 3 étages et qu'il a une petite bague en or sur son petit doigt. Mais on ne pourrait pas demander si Little Hans ne voudrait pas venir ici pour faire une petite visite, demande le fils le plus jeune du meunier. On ne pourrait pas le demander s'il la ferait peut-être plaisir. Si pauvre Hans a des problèmes, moi je lui donnerais la moitié de mon porridge et je lui montrerai mes lapins blancs. Mais quel crétin, disait le meunier. Quel crétin, mais vraiment, vous me faites honte. Mais je ne sais pas du tout quelle était la peine de t'envoyer à l'école, tellement cher et loin. Tu apprends rien, hein? Quel crétin. Si le petit Hans est venu ici, s'il viendrait un jour, s'il voyait notre feu, s'il voyait notre souper, s'il voyait qu'on avait énormément de vin rouge, ben, ça lui donnerait peut-être l'envie. L'envie est une chose atroce. C'est atroce. Après ça, on ne pourrait jamais dire que c'est notre ami. Ça va le gâter, sa nature. Non, non, je ne laisserai pas Hans venir ici au risque que ça mettrait en péril sa bonne nature. Je suis sa meilleure amie. Je le garderai toujours et je ne donnerai pas des tentations. Si Hans venait ici, c'est possible qu'il me demanderait même un peu de farine en crédit, sans payer, ou il paierait plus tard. Enfin, la farine est une chose, l'amitié est une autre. On ne devrait pas faire un mélange de tout. Certainement pas. Quelle confusion. Oh, comme tu parles bien, dit la femme de meunier, en se versant une grosse verre de bière chaude. Je me sens même un peu endormie. C'est exactement comme si j'étais à l'église. Eh bien, c'est vrai, femme. Beaucoup de personnes agissent bien, mais peu de personnes parlent bien. Le plus difficile, eh bien, c'est certainement de parler bien. Et c'est aussi la chose la plus fine et la plus noble. Et il a regardé son fils à travers la table et jeté un coup d'œil qui donnerait des frissons à son fils et qui se sentait tellement en honte que son visage est devenu écarlate et il commençait de pleurer dans son thé. Mais il était tellement jeune que vous pouvez l'excuser. « C'est la fin de l'histoire ?» a demandé le radelot. « Certainement pas, » a répondu le liné. « C'est seulement le début. » Alors, dit le lino, en sautant d'un jambe à l'autre, quand l'hiver était fini et que les primevères commençaient d'ouvrir leurs pâles étoiles, le meunier a dit à sa femme qu'il aimerait bien voir petit Hans, faire une petite visite, faire un tour. « Oh, mais quel bon cœur que tu as !» dit sa femme. « Tu penses toujours aux autres, hein, c'est pas vrai. Et n'oublie pas d'emmener le grand panier hein, pour les fleurs. » Alors le meunier a attaché les ailes du moulin avec une grosse chaîne de fer et le panier au bras, il a descendu la colline. « Bonjour, petit Hans !» dit le meunier. « Bonjour !» dit Hans en souriant de l'oreille à l'oreille. « Et comment tu as été tout l'hiver ?» a demandé le meunier. « Eh bien, vraiment, dit petit Hans, qu'est-ce que c'est gentil que tu me le demandes. Très, très bon et gentil. Je suis désolée, mais j'ai eu un temps assez difficile. Assez difficile, oui, je suis désolée de le dire, mais enfin, maintenant que le printemps est venu, je suis assez heureuse parce qu'il y a tous mes fleurs et ils poussent bien. Tu sais, Hans, on a souvent parlé de toi pendant cet hiver. Eh oui, on se demande comment tu as allé. Oh, c'était gentil, dit Hans. J'étais à moitié apeurée que vous m'avez oublié tout à fait. Hans, je suis surpris, dit le meunier. Je suis surpris à ton réaction là. L'amitié, oh non, mais on n'oublie jamais. C'est ça les choses merveilleuses. C'est ça qui fait que c'est la poésie de la vie. Je crois que ça te dépasse, hein. Je suis désolée, mais je crois que ça te dépasse. Mon Dieu, comme tes primes vertes sont belles. À propos, eh oui, ils sont très beaux. Ils sont très beaux, certes. Et j'ai beaucoup de la chance parce que j'en ai tant. Et je vais les emmener au marché, je vais les vendre. Et comme ça, je vais m'acheter un brouette avec l'argent. Acheter un brouette. Tu veux dire que tu l'as vendu? Quelle chose stupide, a dit le meunier. Bah, c'est-à-dire que j'étais obligée de le faire. Parce que tu comprends, l'hiver était quand même très très mauvais pour moi. Je n'avais plus d'argent pour acheter du pain. Non. Alors d'abord, j'ai vendu les boutons d'argent de mon manteau de dimanche. Et ensuite, j'ai vendu ma chaîne. Et ensuite, j'ai vendu ma grande pipe. Et ensuite... Enfin, j'ai vendu mon brouette. Mais je vais l'acheter. Je vais les acheter tous. Maintenant, je vais les racheter. Hans, dit le meunier, je vais te donner mon brouette. Il n'est pas en très bon état, c'est sûr. Un côté est un peu foutu. Il y a quelque chose qui va mal avec la roue. Mais malgré tout, je vais te le donner. Je sais que c'est très généreux de ma part. Je sais qu'il y a grand nombre de personnes qui me croiraient très stupide de te le donner. Mais j'aime pas le reste du monde. Et je pense que la générosité, c'est l'essence de l'amitié, tu comprends? Et de toute façon, j'en ai une autre brouette. Oui, si tu peux laisser ta tête à l'aise, je vais te donner ma brouette. Qu'est-ce que c'est généreux, dit petit Hans, et son drôle de visage ronde a devenu toute rose de plaisir. Je peux le réparer, j'ai un planche de bois dans la maison, et je peux... Un planche de bois, dit le meunier, ben c'est exactement ce qu'il me faut, c'est exactement ce qu'il me faut pour réparer le toit de ma grange, il y a un grand trou. Et tout le blé va être endommagé si j'arrête pas le trou. Mais quel bonheur que tu l'as mentionné. C'est remarquable comme une bonne action donne naissance toujours à un autre. Je t'ai donné ma brouette et maintenant tu vas me donner ta planche. Bien sûr, la brouette vaut beaucoup, beaucoup plus que la planche. Mais la vraie amitié ne remarque jamais des choses comme ça. Je t'en prie, va le chercher tout de suite et je vais travailler tout de suite sur ma grange, ce jour même. Oh, certainement, a crié le petit Hans. Et il a couru jusqu'à son hangar pour chercher la planche. Oh, mais dis donc, c'est pas une planche très grande, dit le meunier en le regardant. Oui, et je crains que même quand j'aurai réparé ma grange, ben, il restera pas grand-chose pour réparer le brouette, mais enfin, ça c'est pas ma faute, hein. Ça c'est vraiment pas ma faute. Non, il resterait pas grand chose pour la brouette, c'est sûr. Mais enfin, comme je vous ai donné ma brouette, je suis sûre que maintenant vous aimerez me donner des fleurs en retour, hein, c'est vrai. Voilà un panier et regarde bien que tu le remplis à ras-bord, d'accord? À ras-bord? A demandé le petit Hans avec un certain regret, parce que vraiment c'était un panier énorme, et il savait très bien que s'il remplissait ce panier énorme avec ses fleurs, il n'aurait plus rien pour le marché, et il était un peu anxieux parce qu'il aurait bien aimé réacheter ses boutons en argent. Vraiment à ras-bord, a donc demandé le petit Hans. Oh ben vraiment, moi je vous ai donné ma brouette, et je crois pas que de demander quelques fleurs... est une chose énorme. Enfin, peut-être j'ai tort, peut-être j'ai fait des fausses idées sur l'amitié, sur la vraie amitié. Je pensais que c'était dénué de tout égoïsme. Je ne sais pas. Peut-être je me suis fait même des illusions. Oh, mon cher ami, a crié le petit Hans. Bien sûr, tu peux avoir tous les fleurs de mon jardin. Oh là là, je préfère mourir plutôt que votre opinion de moi baisserait les boutons en argent, mon Dieu, mais je m'en fous. Et il est allé courir et il a ramassé tous les jolies primes vertes de tout son jardin et il a rempli le grand panier de Monsieur le Meunier. Au revoir, petit Hans, a dit le meunier. Quand il est parti par la colline avec le planche sur son épaule et le grand panier dans sa main, Au revoir, dit petit Hans. Et il commençait assez gaiement de faire un trou dans son jardin parce qu'il était content à propos de la brouette. En train de clouer un peu de chèvrefeuille contre sa porche quand il a entendu la voix de le meunier qui l'appelle de la route. Alors il a sauté de son échelle, il a couru par le jardin et il a regardé au-dessus du mur. Voilà le meunier avec un énorme sac de farine sur son dos. Mon cher petit Hans, est-ce que tu me fais un faveur? Est-ce que tu peux m'emmener cet sac de farine au marché? Ben, c'est-à-dire... disait Hans, je suis désolée, mais aujourd'hui, j'ai tellement de choses à faire. Enfin, il y a tous mes fleurs qu'il faut. Il faut donner de l'eau, il faut arroser, il faut que je travaille. Oh, dis donc, dit le meunier, je crois qu'en considérant tout, que je vais d'abord vous donner mon brouette, je trouve que c'est pas très délicat que vous refusiez. Je trouve que c'est même peu amical et que... Oh, dis pas ça, dit petit Hans. Ça me fait peur que tu me dises une chose pareille. Je peux faire n'importe quoi que de perdre votre amitié. Il est parti en courant avec l'énorme sac sur ses épaules. C'était une journée remarquablement chaude. La route était très poussiéreuse et pauvre Hans était crevé. Mais enfin... Il est allé très loin, il est allé jusqu'au marché, il a vendu la farine pour un bon prix. Il est revenu exténué et il était en train de dormir un tout petit peu le matin après quand le meunier est revenu de nouveau. « Dis donc, dit le meunier, je vous trouve assez paresseux. Vous êtes encore endormi ?»« Je n'aime pas... L'oisiveté, c'est un grand péché. Je ne voudrais sûrement pas qu'un de mes amis fût... indulant ou paresseux. Il ne faut pas m'en vouloir de te parler franchement. Naturellement, je n'oserais pas le faire si je n'étais pas votre bon ami. Mais à quoi bon l'amitié si on ne peut pas dire exactement ce qu'on pense, hein? Tout le monde peut dire des choses charmantes, essayer de plaire, flatter. Mais un véritable ami dit toujours des choses désagréables et se soucie peu de faire de la peine, hein? En vérité, si c'est un ami véritable, il peut faire agir ainsi car il sait que, dans le fond, il fait du bien. « Oh, je suis désolée !» dit petit Hans. Il frottait ses yeux et en retirant son bonnet de nuit. « Mais j'étais tellement crevée que je pensais que je me reposerais un peu après tout mon travail. Mais bien sûr, je vais venir. »« Je suis assez ravie !» dit le meunier. « Je veux que vous veniez tout de suite réparer le toit de ma grange. » Pauvre petit Hans était anxieuse d'aller travailler dans son jardin car ses fleurs étaient en train de mourir de soif, mais il n'osait pas refuser ça à le meunier, parce qu'il voulait tellement rester son bon ami. Vous penserez que ça serait indélicat, même avoir peu amical, si je disais que j'avais autre chose à faire ? Il a dit dans une toute petite voix timide. « Ah ben vraiment, dit le meunier, je pense que c'est pas grand-chose à te demander en considérant que je vais vous donner ma brouette. Mais bien sûr, si vous refusez, je vais le faire moi-même. »« Ah non, non, non, non, non, non, pas du tout, dit petit Hans. » Et bien sûr, elle a fait exactement ce que le meunier a demandé. Il a travaillé toute la journée, jusqu'à presque la nuit. « Dis donc, c'est fini le trou ?»« Oui, c'est tout à fait réparé, » a répondu le petit Hans, exténué, en descendant l'échelle. « Ah !» a dit le meunier. « C'est vrai, hein ? Ça fait vraiment plaisir de travailler pour les autres ?»« Eh oui, et c'est certainement un grand privilège de t'entendre parler, » a répondu le petit Hans, en train de s'essuyer. Son front, qui était ruisselant de sueur. « Un grand privilège, mais je suis désolée, mais je suis sûre que je n'aurai jamais des aussi belles idées que vous. »« Oh, ils viendront, » dit le meunier. « Ils viendront, mais ils font Il faut prendre plus de peine, plus de travail pour les autres. À présent, tu as seulement le pratique de l'amitié. Un jour, tu auras la théorie aussi. Vraiment, tu crois que je l'aurai? Ah oui, j'ai pas de doute, dit le meunier. Mais maintenant que tu as réparé le toit, va te reposer un tout petit peu parce que demain, il va falloir emmener tous mes moutons à la montagne. Oh, pauvre petit Hans avait peur de dire quelque chose contre ça. Et tôt le matin après, le meunier emmenait ses moutons autour de le cottage. Et petit Hans est parti avec eux jusqu'à la montagne. Ça lui a pris toute la journée, évidemment. Et quand il est revenu, il était si fatigué que crevé, il s'est allé s'endormir dans sa chaise. Et il ne s'est pas réveillé avant que c'était de la lumière de jour. « Quel formidable temps je vais avoir dans mon jardin !» il s'est dit. Et il est allé travailler tout de suite. Mais il se trouvait qu'en fait, il n'a jamais eu beaucoup de temps, même pas de temps du tout, pour travailler dans son jardin, car le meunier a toujours eu quelque chose qu'il a fallu faire, un petit travail ici, par là. Il avait trop peur de perdre son amitié. Et il se trouvait qu'un soir, petit Hans était en train de s'asseoir près du feu quand il y a eu un grand coup à la porte. C'était une nuit très sauvage, il avait une rage épouvantable. Mais à la deuxième fois qu'on a frappé à la porte, évidemment, il y avait un troisième coup, plus fort que tous les autres. Et petit Hans était tellement gentil qu'évidemment, il a pensé que c'était un pauvre voyageur. Et il a couru à la porte. Voilà le meunier, avec une lanterne dans une main et un grand bâton dans l'autre. « Cher petit Hans, j'ai des gros problèmes. Mon petit garçon a fait une chute terrible de l'échelle. » Et il s'est fait mal et il faut que j'aille voir le docteur. Mais il vit tellement loin et c'est une nuit tellement mauvaise qu'il me semble que ça serait beaucoup mieux si tu allais à ma place. Hein? Je sais bien que c'est un grand service, mais comme je vais te donner ma brouette, je trouve que c'est un tout petit peu juste que tu fais quelque chose en retour. D'accord? D'accord, a crié le petit Hans. Je prends comme un compliment, comme un sincère compliment que tu viens ici à moi d'abord et je vais commencer tout de suite. Mais est-ce que tu peux me prêter ta lanterne parce que la nuit est tellement sombre que j'ai juste un tout petit peu peur que je vais tomber dans le fossé. Ah, je suis désolé, a dit le meunier. C'est mon nouveau lanterne et ça serait une grosse perte pour moi si quelque chose arrivait à ma lanterne, tu comprends? Ah ben, ça fait rien, a dit le petit Hans. Et il a pris sa grande manteau de fourrure et sa petite chapeau écarlate. Il a mis une écharpe autour de sa gorge et il est parti. Mon Dieu, quel épouvantable orage c'était. La nuit était si noire que le petit Hans ne voyait rien. Le vent était si fort qu'il ne voyait, il pouvait presque plus se tenir debout. Mais il était très courageux. Et après qu'il a marché peut-être 3 à 4 heures, il est arrivé à la maison du docteur. Il a frappé à la porte. « Qui est là ?» dit le docteur en mettant sa tête en dehors de sa fenêtre. « Little Hans, docteur. Qu'est-ce que tu veux, petit Hans ?» Eh bien, le fils du meunier a tombé de l'échelle et il s'est fait mal. Et le meunier veut que tu viennes tout de suite. Hein? Est-ce que c'est possible? Très bien, dit le docteur. Et il demanda son cheval, ses grosses bottes, sa lanterne. Et il est parti dans la direction de la maison du meunier tout de suite, avec le petit Hans derrière. Mais l'orage est devenu de pire en pire. La pluie tombait à torrents et le petit Hans, il ne pouvait pas voir où il allait, où il marchait, ni suivre le cheval. Il finit par perdre son chemin, il erra sur le marécage. Il était dans un endroit très, très dangereux, plein de trous profonds. Et le pauvre petit Hans s'y noya. Mais oui, il s'y noya. Et le lendemain, les bergers ont retrouvé son corps qui flottait dans une grande mare. Il l'a rapporté à la maison, à sa petite maison à lui. Tout le monde allait à l'enterrement du petit Hans, car il était très populaire, et le meunier mena le deuil. « Puisque j'étais son meilleur ami, dit le meunier, il n'est que juste que j'aie la meilleure place. » Et il marcha en tête de le cortège dans un long vêtement noir et sérieux, et de temps en temps, il essuyait ses yeux avec un grand mouchoir voyant. « Le petit Hans est sûrement une grande perte pour tout le monde, » dit le forgeron après l'enterrement. Comme ils étaient tous assis confortablement dans une auberge, buvant du vin épicé, mangeant des gâteaux. « Une grande perte pour moi en tout cas, » répondit le meunier. « Eh oui quoi, j'avais été aussi bon pour lui donner ma brouette, hein, et maintenant je ne sais réellement pas quoi en faire. » Elle me gêne beaucoup chez moi, vous savez. Et elle en est si mauvais état que si je la vendais, je n'en obtiendrai rien, hein, je crains. J'aurai certainement soin de ne plus rien donner. Hein. On souffre toujours d'être généreux. Jane Birkin, Denise Jans. Je crois que The Devoted Friend, c'était par drôlerie aussi. Ça faisait rire les enfants, un petit peu. C'était aussi très long comme histoire. Je l'ai toujours trouvé pas le plus facile de Oscar Wilde à leur lire, alors que le très très évident pour moi était le Selfish Giant, le géant égoïste. Alors voilà l'exemple type d'une histoire où tu savais en progression que l'enfant devant vous commençait d'avoir une sympathie de plus en plus grandissante pour cet vaste homme qui a commencé en étant un personnage agressif et non compréhensible et égoïste au début. Quelqu'un qui faisait peur aux enfants. Donc ils aiment autant plus une sorte de virement de caractère grâce à un enfant comme eux. Alors, le sentiment de connaître cet géant qui devient de plus en plus malade, tu vois déjà qu'il pressent quelque chose de terrible. Et ils ont raison. Alors quand la fin arrive, qui est terrible et quasiment biblique, quand il dit « Je vais vous emmener dans mon pays », vous savez très bien qu'il va mourir. Je m'en souviens de les larmes, mais surtout de Charlotte et de Kate, parce que c'était à eux deux ensemble, plus Oscar Wilde, et notamment cette histoire-là. Et parfois, il disait une histoire ce soir, mais pas celui-là, parce que ça aussi, ça les faisait terriblement pleurer, l'oiseau qui donnait son sang pour que le rose soit rouge. Je pense qu'ils étaient terriblement touchés par la fin de cet oiseau ou par la fin de ce géant et cet enfant qu'ils étaient irrécupérables. Tu aimais des contes qui faisaient peur? Oui, moi je trouvais normal. Denise Jans. Moi, plutôt que des contes, ma mère lisait beaucoup Dickens. Ah oui? Et je trouvais qu'il fallait qu'il y ait des personnages noirs. Moi, j'aurais pas aimé qu'on me donne que des histoires roses. Et Dickens, c'est... Non, c'est costaud en noir. Oui. Et très très triste. J'ai raconté à mon père, parce que je lui ai lu les livres jusqu'à la fin de sa vie, et j'ai lu les Christmas Carols, où il y a l'épouvantable Little Dorrit, où il y a le petit garçon qui meurt. Oui. T'en souviens? Oui, que son père tient sur ses épaules. On pleurait tellement tous les deux, à pas continuer l'histoire. Non, c'était une très grande tristesse et une très grande cruauté sur Scrooge. C'était formidable, Le caractère. Oh. Moi, j'ai écouté comme ça David Copperfield quand je ne savais pas encore lire. Et au fond, je crois que j'ai eu mes premières larmes, qu'on peut appeler des larmes de théâtre. C'est-à-dire, on sait bien que ce n'est pas un vrai chagrin, que c'est un chagrin qui vient d'un livre. Donc, ça n'a rien à voir. Quand on vous punit très fort ou quand on souffre, c'est une autre sorte de chagrin qui n'est pas tout à fait sous les oreilles, ni au cou, ni au cœur. C'est un chagrin qu'on a un peu au-dessus de soi, comme un nuage gris, mais on sait que c'est quand même un chagrin qui a une petite parenté avec les autres. Oui, oui, oui. Il me semble que c'est là la première fois que j'ai senti la différence. Oui, peut-être tu as raison. Et il y a une excitation aussi de provoquer les larmes chez des enfants, un irrésistible poussé pour ajouter dans l'histoire, pour dire un mot de plus. Oui, et sentir que ce n'est pas neutre. Donc une histoire, c'est chaud. Tu as capturé ton audience aussi, parce que tes enfants sentent aussi. Oui. Une première audience où tu peux faire les trois petits cochons très drôles, très marrantes, comme si c'était trois acteurs qui partaient pour trouver la scène à Paris. Donc ils sont irrésistibles. C'est aussi quelque chose qui te révèle, parce que tu ne sais pas pourquoi tu as ce chagrin-là. Non. Tu ne sais pas d'où il vient. Non. Pourquoi tout d'un coup, ça te fait pleurer? C'est la première fois que ça t'arrive. Tu découvres ça. Mais les enfants le réclament. Oui. Ils réclament les histoires tristes ou terrifiantes. Moi, quelques années après, j'ai vu le film avec Fred et Bartholomew et j'ai pleuré, mais je sais que je n'ai pas pleuré du film. J'ai pleuré de ma première histoire qui était devenue la mienne. Tu comprends ça sûrement, j'en suis convaincue. Oui, oui, oui. Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.